Lecture d'un texte, d'un article de Pierre Billot et Léo Marron, paru sur le site lafabriquedelinfo.fr, lafabriquedelinfo.fr, et qui s'intitule « En finir avec la neutralité ». À rebours d'une information neutre et objective, certains journalistes font de leur engagement le moteur de leur travail. Une situation qui crée le débat au sein de la profession. Parfois décriés par leurs pairs, eux assument une prise de parti. Combien de journalistes en France peuvent ajouter à leur CV une fiche S, une interdiction de manifestation ou un procès sans en avoir été prévenu à l'avance? Assurément bien peu. Ils s'appellent Gaspard Glanz, Norman Cadoret, Alexis Craland ou Gaspard Daliens. Ils sont journalistes, travaillent en freelance, ont leurs propres médias ou collaborent régulièrement avec des références de la presse alternative. Je me permets un tout petit aparté, étant concerné, il n'y a pas que des mecs, il n'y a pas que des fiches S, il n'y a pas que la partie émergée de l'iceberg. Mais bon, je continue l'article. D'aucuns les cantonnent à une étiquette de militant à l'heure où la neutralité et l'objectivité sont souvent érigées en règle d'or de la profession. En témoignent les ressources considérables mobilisées par Le Monde, Libération ou l'AFP et leur cellule de chasse aux fake news à grands coups de vérité factuelle. Les journalistes militants, les journalistes au passé militant ou tout simplement les journalistes engagés déserte et conspue de plus en plus les médias dits traditionnels. Jean Jaurès, figure désormais consensuelle sur une grosse partie de l'échiquier politique, prônait la complémentarité d'une activité militante et de la recherche de la vérité. Récemment, certains journalistes issus de grands médias se sont retrouvés dans l'autre camp, à la tête d'organes de presse résolument engagés. Outre Edwy Plenel, le plus emblématique, Hervé Kampf est devenu, après 15 années passées au Monde, rédacteur en chef du site Reporter, dédié à l'écologie, et qui promeut une information libre et indépendante. Aude Lancelin a remplacé la sulfureuse Sophia Chikirou à la tête du média brocardé Mélenchon TV au mois de juillet dernier après son licenciement de l'Obs en mai 2016. Et si, finalement, le journalisme militant ou le journalisme engagé n'étaient pas des formes de journalisme autrement? Alors là, il y a la citation de Jean Jaurès, à laquelle était fait référence plus haut. « C'est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elle-même les événements du monde. La grande cause socialiste et prolétarienne n'a besoin ni du mensonge, ni du demi-mensonge, ni des informations tendancieuses, ni des nouvelles forcées ou tronquées, ni des procédés obliques ou calomnieux. » Jean Jaurès, éditorial du premier numéro de l'Humanité, le 18 avril 1904. On en est loin. De la comptabilité entre journalisme et militantisme. La meilleure école pour devenir journaliste politique? Avoir un passé militant. La phrase est signée Abel Mestre, journaliste politique au Monde, militant à l'UNEF dans sa jeunesse. Dans un café au nom évocateur, les Échos du Monde, à deux pas de l'imposant bâtiment du boulevard Auguste Blanqui qui abrite la rédaction, il raconte ses années d'engagement. Tu es obligé de réagir à l'actualité. Tu crées des journaux et ça te procure des clés de compréhension pour comprendre le positionnement de ton interlocuteur. Ça m'a donné une culture politique particulière qui fait qu'aujourd'hui, notamment à gauche, j'ai les codes et je suis respecté parce que j'ai lu tel livre ou que j'ai telle référence. Au Monde, je suis peut-être la dernière génération de journalistes qui a été militant. Après moi, il n'y en a plus. Au Monde, peut-être. Car ailleurs, journalisme et militantisme semblent faire bon ménage. Depuis 2014 et les mouvements en opposition à la loi travail, une petite troupe de photojournalistes et vidéastes indépendants, proches des cercles d'extrême et d'ultra-gauche, inondent les réseaux sociaux d'images de manifestations que nous sommes désormais habitués à voir. Des gaz lacrymogènes sur des manifestants encagoulés, des pierres sur des voitures de police, des fumigènes, des masques à gaz, les célèbres Black Bloc, des CRS, des boucliers. Ces images sont souvent celles de Noman Cadoret, de Gaspard Glanz ou d'Alexis Kralan. Au plus près de l'action, parfois à l'intérieur même du cortège de tête. Alors, journaliste ou militant? Pour Abel Mestre, l'un n'empêche pas l'autre. Ils sont militants, ils ne s'en cachent pas, cela ne me choque pas, ils bossent bien, font de belles images, on peut les considérer comme des journalistes. Histoire de la garde à vue de Kralan ou l'interdiction de manifestation à l'encontre de Noman Cadoret, je trouve ça aussi scandaleux que si ça m'était arrivé à moi, journaliste au Monde. Je ne sais pas s'ils ont leur carte de presse, mais en tout cas, ils font un travail de journaliste. La double casquette journaliste et engagé ou militant me paraît tout à fait légitime dans ce cas. Après, si en tant que lecteur, tu vas être sûr d'avoir un point de vue équilibré, tu vas aussi voir ailleurs. La particularité de ces journalistes engagés, c'est qu'ils pigent parfois pour des mastodontes du paysage médiatique comme France TV ou Paris Match. Ce type de recours temporaire à des photoreporters immergés au cœur des milieux militants est symptomatique de la difficulté des médias traditionnels à y trouver des interlocuteurs. La plupart des journalistes politiques couvrent une très large partie de l'échiquier sans être spécialisés dans une mouvance particulière. Quand tu débarques de temps en temps dans une manifestation sans avoir les codes de ces milieux-là, c'est très inconfortable. Au Monde, Abel Mestre s'occupe de la gauche et de l'extrême-gauche, de la tendance amoniste jusqu'aux antifascistes. Je couvre ces mouvements de façon exclusive, donc ils me reconnaissent de par ma présence régulière dans les manifs. Ils s'en fichent que je sois étiqueté Le Monde, car ils savent que je ne balance pas les noms et que je connais bien les coutumes de ces milieux-là. Les limites de la double casquette. Cette nouvelle presse émergente d'extrême-gauche ne se limite pas à ces photographes ou vidéastes. Le pure player, c'est chiant les anglicismes, d'Information Quotidienne lundi matin, lundi.am, qui publie également une revue papier semestrielle, structure plusieurs écoles de pensée autour d'articles à long format, fouillés, où l'on retrouve le langage fourni, parfois alambiqué, caractéristique des cercles d'extrême-gauche. Ce site a été créé par le comité Invisible de Tarnac. Ils ont réussi à s'ouvrir d'autres horizons et aujourd'hui, c'est un média qui est très suivi. Plus de 10 000 abonnés sur Twitter, etc. Moi-même, je m'informe en lisant Le Monde, Mediapart et Lundi Matin. Donc ça, c'était toujours la même personne qui parlait. Retour à l'article. S'il ne conteste absolument pas la compatibilité entre journalisme et militantisme, Abel Mestre émet néanmoins quelques doutes par rapport à ce double statut, en prenant par exemple Mediapart. Le problème avec Edoui Plenel, c'est qu'il est devenu acteur politique. Il s'engage pleinement dans des débats qui structurent la gauche. Que les journalistes aient des convictions, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit des certitudes. Le milieu militant fonctionne comme une grande caisse de résonance, et si on est trop immergé dedans, qu'on a trop d'empathie, on peut se perdre. Là est la limite de l'exercice, de ne plus avoir le recul nécessaire pour évaluer la véracité d'une information. La vraie limite dans le traitement, c'est quand ton activité militante aveugle ton activité de journaliste. Donc là, il y a un encart au sujet de Noman. Ceux qui s'intéressent à ces mouvements militants connaissent forcément son visage, ou au moins son travail. Noman Cadoret, photographe indépendant, engagé, est de tous les rassemblements. Il check les militants, discute, prend son temps. Une proximité qui lui donne un accès privilégié aux cortèges de tête et autres manifestations sauvages, où les appareils photo sont souvent interdits. Et donc il y a une vidéo où Noman explique son boulot. Dur, dur d'être journaliste. Caspar Glanz, par exemple, est plus journaliste que 90% des journalistes français. Il revient aux fondamentaux du métier, va sur le terrain, rencontre des gens qui sont difficiles d'accès. Installé sur le plateau télé du Média, sollicité de toutes parts par ses collègues, Aude Lancelin est catégorique. Pour elle, journalisme et engagement ne s'excluent pas. À partir du moment où on a de l'intégrité par rapport à la vérité factuelle, point. Elle ne se définit pas d'extrême gauche, mais de gauche, authentique. Depuis le mois de juillet dernier, elle est à la tête du Média et de ses déboires que l'on connaît. Pourtant, pour rien au monde, elle ne retournerait dans un des gros titres de la presse traditionnelle, à propos desquels elle ne mâche pas ses mots. J'ai eu une expérience tellement radicale, un voyage au bout des saletés de la presse sous domination des oligarques, que c'était inimaginable de faire le voyage de retour. Avant son licenciement de l'Obs, un journal sans colonne vertébrale politique et intellectuelle, elle a longtemps expérimenté la difficulté à faire entendre une voix discordante au sein d'une rédaction. Vous ne pèserez jamais sur la ligne éditoriale, c'est un fantasme si vous êtes différent. Vous êtes plutôt un alibi pour la rédaction qui dit « Voyez, on a un ou deux fous qui disent des trucs extrêmes. » Réinjecter du sens dans ce que l'on fait. Aux médias, il y a bien entendu peu de monde pour s'offusquer de ces positions résolument de gauche. Cette grande aventure n'est pourtant pas un long fleuve tranquille. Outre les dissensions internes et la situation financière critique du Média, celui-ci est brocardé France Insoumise et donc un organe militant plutôt qu'un organe de presse. On a créé le Média Presse en plus du Média TV pour s'assurer que la commission de la carte de presse nous l'accorde. Une grande partie de ses abonnés sont des insoumis, mais Aude Lancelin revendique la conquête d'une liberté éditoriale véritable depuis le départ de Sophia Chikirou. Voix posée, ton calme mais ferme, elle parle librement de la confusion qui existait dès les débuts du Média. Certains députés insoumis se sentaient ici comme sur leur territoire. On me disait « Quoi, mais ça fait 2 mois que vous ne m'avez pas invité ?»« So what ?» Si elle reconnaît un consensus sur des valeurs de gauche au sein de la rédaction, elle revendique également sa singularité, notamment en réponse à ceux qui lui reprocheraient de faire la même chose que Mediapart. Mediapart, ce n'est pas cette gauche-là. On représente un courant de pensée qui n'est présent dans aucun média. La manière de faire de l'investigation n'est pas la même. Nous ferons plus des enquêtes sociales, eux se concentrent plus sur les scandales politico-financiers. On n'a pas la même vision de l'Europe ou sur l'immigration. Ah tiens. Et si le journalisme engagé doit faire attention à ne pas prêcher qu'auprès des déjà convaincus, c'est une manière de réinjecter du sens dans ce que l'on fait. Un jeu d'associés ou rivaux entre journalistes et militants. Ah, c'est une interview. Benjamin Ferron, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Question, est-ce que l'on assiste à l'émergence d'une nouvelle forme de journalisme militant? Point d'interrogation. Réponse de Benjamin Ferron. L'idée d'un journalisme militant doit être replacée dans un contexte sociologique plus large. Le premier élément à avoir en tête, c'est que cette idée apparaît comme une contradiction, dans le sens où lorsque les univers du journalisme et du militantisme politique émergent, ils ne vont cesser de s'autonomiser et de se différencier l'un par rapport à l'autre. Le journaliste ne peut pas être militant dans l'exercice de son métier. Journalisme et militantisme sont deux univers qui s'excluent réciproquement. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de relation mutuelle. Les militants peuvent être des sources d'information ou des sujets à traiter. Les journalistes peuvent, eux, être des intermédiaires pour rendre visible leur discours revendicatif. De ce point de vue, les sciences sociales ont étudié ce que l'on appelle le jeu d'associés rivaux entre journalistes et militants. Il existait d'ailleurs une discipline journalistique très en vogue dans les années 50-60, le journalisme social. Des journalistes souvent issus du milieu ouvrier qui couvraient les actions menées par les ouvriers, les syndicats ou le Parti communiste. Ce que l'on observe depuis les années 80, c'est une atomisation toujours plus grande du champ journalistique autour de ces enjeux professionnels. Mais il existe aussi une dépendance des médias vis-à-vis du champ du pouvoir et des logiques économiques. Et ce, via l'intensification de la concurrence et le changement de mode de recrutement des journalistes qui sont de moins en moins issus des milieux populaires. Question. La position de journaliste et de militant est donc tout à fait incompatible? Réponse. On peut souligner l'exclusion réciproque des logiques à l'œuvre dans chacun des deux univers, mais il existe des interdépendances. On observe ainsi une catégorie d'agents qui peuvent occuper des positions simultanément et durablement à la fois dans l'univers du journalisme et du militantisme, par exemple les journalistes spécialistes des mouvements sociaux, qui peuvent, en tant que citoyens, se sentir proches des mouvements qu'ils racontent. Ils peuvent aussi être militants en dehors de leurs heures de travail. À l'inverse, on trouve aussi des militants qui peuvent se faire journalistes d'une cause militante particulière, être des militants de l'information et fournir du contenu quasi professionnel. Pour autant, les statuts du journalisme excluent un tas d'activités jugées incompatibles avec l'activité journalistique comme la communication. De ce point de vue, les militants de l'information peuvent tout à fait être qualifiés de communicants de leur mouvement social. Question. Peut-on constater ces dernières années un renouvellement de la pratique journalistique issue des mouvements militants? Réponse. Cela a toujours plus ou moins existé. Dans les années 70, on assiste à l'émergence du journalisme alternatif issu à la fois de l'univers du militantisme et du journalisme professionnel. Cette forme de production a plusieurs caractéristiques qui en fait un espace particulièrement flou. Il existe une presse underground, parallèle, alternative, qu'on retrouve récemment notamment en marge des contestations contre la loi travail. Mais ce phénomène est plus ancien. À ce titre, la première plateforme qui revendique cette double appartenance au champ journalistique et au champ militant est IndyMedia. C'est une concentration de médias indépendants qui se crée à l'occasion des manifestations de l'OMC à Seattle en 1999. Ces journalistes militants mettent en place une organisation visant à produire de l'information sur le mouvement social en cours du point de vue... Ils anticipent le traitement défavorable de leurs revendications par les médias dominants. Ils organisent alors leur propre production d'informations. Donc, ce qu'on a pu constater récemment avec le mouvement Nuit Debout, les manifestations contre la loi travail, s'observait déjà il y a 20 ans. Autre exemple, la coordination permanente des médias libres, créée en 1999 et qui regroupe aujourd'hui 74 médias. Ce groupe a évolué vers un pôle plus proche du champ journalistique et de ses enjeux. Lorsque cette coordination s'est reformée, une deuxième fois en 2014 à l'occasion des rencontres des médias libres et du journalisme de résistance, les producteurs d'informations étaient tous issus d'une nouvelle génération de personnes qui ont fait des formations de haut niveau, pour partie dans le journalisme, et qui viennent de médias traditionnels. Ils investissent cet univers des médias libres comme espace de revendication militante. La trajectoire d'Hervé Kumpf est à ce titre emblématique. Question. Pourquoi est-ce que la trajectoire d'Hervé Kumpf est emblématique d'une nouvelle forme de journaliste? Réponse. Il ne se considère pas comme militant, alors qu'il pourrait l'être par d'autres de ses pairs. Son travail est celui d'un journaliste situé dans des rapports de force politique. La différence est peut-être que ce positionnement est plus ouvertement affiché. D'autres titres d'information revendiquent davantage la production journalistique au sens le plus traditionnel et orthodoxe. On peut pourtant émettre des réserves quant à la neutralité de ces titres en matière de positionnement idéologique. Question : peut-on observer un changement dans les méthodes de production de l'information ? Réponse : oui, ce qui est nouveau dans cette forme de journalisme, c'est l'apparition d'espaces numériques dédiés, blogs, plateformes, puis réseaux sociaux, à partir des années 2000. Ces espaces peuvent aujourd'hui être considérés comme des automédias, c'est-à-dire des médias produits dans le but de documenter des luttes sociales. Ils peuvent alors servir de source d'information pour les médias dominants. Question : qu'est-ce qui peut expliquer ce type de phénomène ? Réponse : le journalisme dans son ensemble est aujourd'hui plus dépendant des logiques économiques, de sorte que la profession a subi des transformations morphologiques. La transformation est axée sur la vitesse d'exécution, la conformité aux exigences des entreprises de presse, l'attractivité des contenus. S'ajoute à cela une précarisation du métier. Autant de facteurs qui favorisent l'émergence de nouveaux titres, qui revendiquent la production d'un journalisme de qualité qui s'affranchit des logiques des médias traditionnels. Pourtant, ils tentent tous d'en prendre l'aspect. Dans les codes stylistiques, la mise en page, la mise en forme, pardon, le rubricage, l'editing, la règle des 5 W, la pyramide inversée, tous respectent les codes du journalisme traditionnel à la différence près que les sources choisies vont être issues d'organisations militantes. On assiste donc à une inversion des proportions. Par exemple, BFM inviterait 3 experts libéraux et un économiste de gauche, tandis que sur Reporter, on donnerait la parole à 3 militants écologistes de différentes sensibilités et à un climato-sceptique. Question : nombre de ces journalistes n'en ont pas le statut. Est-ce un frein à leur activité ? Réponse : en France, ce n'est pas une obligation d'exercer le métier de journaliste avec une carte de presse. C'est par définition une profession ouverte, aux frontières floues. Mais il ne suffit pas de se déclarer journaliste pour être considéré comme tel. La légitimité vient de la reconnaissance du travail journalistique par ses pairs. Il n'y a donc pas de définition, a priori, de ce qu'est être journaliste ou pas. À partir du moment où une organisation est reconnue comme source d'informations fiables par d'autres organes de presse, selon quels critères peut-on les exclure de l'univers journalistique ? Question : être journaliste engagé et indépendant, n'est-ce pas un risque de brouiller les pistes pour la reconnaissance de son travail journalistique ? Réponse : il faut distinguer une nuance entre journaliste militant et engagé. Être engagé ne contredit pas les normes professionnelles, y compris dominantes. On s'expose toutefois à l'accusation de ne pas être neutre, etc. Sachant que la normalité est toujours défendue par les dominants dans le but de reproduire cette normalité. Pour les pigistes, il peut y avoir une position encore plus floue du fait de l'indépendance vis-à-vis de l'employeur. Question : cet essor du journalisme engagé, militant, n'est-il pas le résultat d'une incompréhension des milieux militants par les médias traditionnels ? Réponse : évidemment. Les militants ont souvent le sentiment de frustration, soit parce qu'ils n'ont pas accès aux médias de grande diffusion, ou alors lorsqu'ils y ont accès, c'est souvent à charge contre eux, avec un choix dans les angles tendant à les pointer du doigt. D'où une tendance de ces milieux militants à refuser l'accès aux grands médias ou à produire leur propre réseau de communication alternatif pour pouvoir regagner une autonomie médiatique et avoir le contrôle de leurs messages. Cela s'explique aussi par le recrutement social des journalistes. On constate une homogénéisation par le haut du recrutement des journalistes, de sorte qu'une distance sociale les sépare d'un tas d'univers. Je citerai par exemple une journaliste qui parle du problème que l'on aura à se rendre au ski pour illustrer le réchauffement climatique. C'est le même problème avec la couverture des banlieues. Je ne sais pas trop l'exemple. Pardon. Question, dernière question. Les médias traditionnels reprennent parfois le travail de journalistes indépendants et engagés. Point d'interrogation. Désolée, j'étais déstabilisée par l'exemple, j'essaye de comprendre toujours et je reviendrai, je ne sais pas. Je redis donc la question. Les médias traditionnels reprennent parfois le travail de journalistes indépendants et engagés? Point d'interrogation. Et dernière réponse, l'univers des médias libres et des journalistes professionnels fonctionne ensemble. La précarisation du statut de journaliste et l'appel aux pigistes est aussi un moyen de produire l'information à moindre coût. Cela permet de couvrir des thématiques et des territoires qu'une rédaction ne peut se permettre de couvrir sur le plan économique grâce à ces personnes que certains qualifient de « native journalists ». Ils sont issus du groupe social ou de la communauté dont ils couvrent les activités. C'est un mélange entre le fixeur et le journaliste. Ces questions sont très intéressantes pour observer l'arbitraire du monde social, la division entre le monde politique et militant et le monde journalistique. Ces zones de flou entre ces multiples univers tendent à montrer que les frontières ne sont absolument pas étanches. Voilà, c'est la fin de cet article. J'ai envie de dire plein de choses. Peut-être qu'il faudra un jour que je prenne la parole sur ce sujet-là. Je voulais juste quand même expliquer un peu ma réaction du début. Je tiens à préciser que je n'estime pas être journaliste, donc je ne m'attends pas à être citée sur ce genre de truc ou même questionnée. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour faire de la photo militante, que j'assume entièrement, et communicante, et non pas journalistique, je croise énormément sur le terrain, que ce soit le terrain nantais ou le terrain de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, des femmes journalistes, des femmes photographes, des femmes professionnelles, et qui font un super taf et qui sont pour certaines engagées, mais qui, à la différence de certains mecs, ne cherchent pas à se montrer, voire ne signent pas leurs travaux, etc., etc. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis toujours un peu vénère de voir des trucs où il n'y a que des mecs qui sont cités. Pardon, Noman, tu sais que je t'adore. Coucou Alexis, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est ce truc-là de... Peut-être que si la fabrique de l'info était engagée sur le féminisme, elle se serait dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr qu'il y a forcément des meufs. Je crois qu'en fait, elle est juste... en train de reproduire, enfin, en tous les cas, l'article écrit par deux hommes, en plus, il me semble, reproduit juste le schéma habituel qui est de se dire où est-ce qu'on va trouver des meufs. Et bon, là, il y en a deux qui ont été trouvées, c'est uniquement autour de Le Média, alors qu'en vrai, par exemple, à Reporter, il y a des femmes engagées. Juste par exemple, hein, il y a plein d'autres endroits où il y a des femmes. Et d'ailleurs, il y en a... Plus on va vers les médias libres, moi c'est ce que j'ai pu observer du coup, hein, côté structuration plutôt effectivement des médias libres dont il est question à un moment là, de la structuration, là il y a beaucoup plus de femmes en fait, visibles. Du coup voilà, je sais pas, peut-être aussi qu'il y a une histoire de mythe du journaliste reporter à la Borot ou à la... que sais-je encore, du mec qui s'engage à fond et tout, et qui est l'aventurier, tout ça, ce mythe-là qui est hyper tenace et hyper relou. Toujours est-il que finalement, être peut-être illustratrice, communicante, et c'est pas mal aussi, c'est un peu plus discret et qu'on est moins vu. Et du coup, peut-être qu'on se prend moins de procès dans la gueule directement, ce qui, je pense, ne va pas durer longtemps, de toute façon, et n'empêche qu'il y aura à peu près les mêmes réponses qu'un homme ou autre, c'est on se défendra. Et gare au procès, parce qu'en fait, ils peuvent facilement devenir des procès politiques. Et là-dessus, du coup, on a de la ressource. Donc voilà. J'arrête là, hein. Ça fait quand même bientôt une demi-heure de lecture, mais quand même, il faudra que je développe un jour ce rapport à la communication, aux automédias et aux luttes, parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, et aux femmes dans ces sphères-là. Bon, bah, au revoir, hein.